Un cœur vraiment calme devant Dieu ne sera pas troublé par le monde, ni personne, affaire ou chose. Sois calme devant Dieu. L'attitude négative disparaît. Les conceptions, mauvaises pensées, la philosophie, les mauvais liens. Sois calme devant Dieu. Sois calme devant Dieu. Savoure ses paroles. Chante des hymnes, loue son nom. Donne-lui une chance d'œuvrer en toi. Dieu veut te parfaire. Suis la conduite du Saint-Esprit et vis devant Dieu. Alors tu plairas à Dieu. Sois calme devant lui. Puisque tu médites toujours sa parole, ton cœur s'approche de lui. Tu es rempli de toutes ces paroles véritables. Les choses nouvelles et positives remplacent d'anciennes pensées et pratiques. Oublie le négatif. Pas besoin de t'efforcer de les contrôler. Vis dans sa parole et communique plus. Sois éclairé. Tes notions et ton orgueil disparaîtront. Tu sauras te dépenser pour Dieu, l'aimer, le satisfaire. Tu oublieras inconsciemment tout en dehors de lui. Sois calme devant Dieu. Ses paroles, chante des hymnes, loue son nom, donne-lui une chance d'œuvrer en toi. Dieu veut te parfaire, il veut gagner ton cœur, son esprit, aime ton cœur. La conduite du Saint-Esprit et vis devant Dieu, alors tu plairas à Dieu. Sois calme devant lui, alors tu plairas à Dieu. Sois calme devant lui, alors tu plairas à Dieu. Sois calme devant lui.